vendredi 20 octobre. Bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10 heures. Et puis, j'aimerais faire un petit retour sur l'émission de la semaine dernière et puis vous dire aussi qu'elle existe, cette émission-là, et vous allez peut-être avoir envie de l'écouter. C'est l'émission où est-ce que je recevais Viol Secours Calac. Pourquoi je vous en parle? Mais je pense que l'émission était plus dans son temps que jamais, si on se fie à l'actualité des derniers jours, des dernières semaines. Et j'ai eu aussi un commentaire de la directrice générale de Viol Secours à Québec ici, où est-ce qu'elle me disait que suite à l'émission, il y avait, avant même que les dénonciations se fassent publiquement, elle avait eu des appels. Et puis, ben, j'ai vu que, chers auditeurs, ben, vous aviez besoin d'entendre peut-être le fameux « je vous crois ». Et puis, ben, c'est, je trouve que vraiment, vous avez bien fait de dénoncer et puis d'appeler pour vous renseigner et que vous n'êtes pas laissé abattre par le temps d'attente qu'il y avait et même qu'il y a eu de l'argent injecté justement là, concernant ces organismes-là comme Viol Secours Calac de Québec, entre autres. Donc, c'était le point et puis c'était vraiment vous dire, ben écoutez, les différents, on vous soutient, on est derrière vous et l'émission, ben vous m'avez démontré qu'elle était utile, que les sujets étaient utiles. Et on va continuer ce matin dans l'utilité, dans l'aide aux gens. Et il y a un organisme, en fait, que je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais envie de vous en parler parce qu'on entend peu parler d'eux. Entre autres, si je vous dis, par exemple, que dans les derniers jours, la dernière semaine et demie, il y a deux personnes qu'on a retrouvées sur le dessus des ponts. Un sur le pont, au sommet du pont Pierre-Laporte, et puis samedi dernier, entre autres, une autre personne en haut sur le pont de Québec, c'était des gens qui étaient en crise. Deux personnes en crise en demande d'aide. Ces deux personnes-là, contrairement à ce que j'ai pu lire, malheureusement, des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, étaient pas là pour attirer l'attention, en fait. C'était vraiment probablement une demande d'aide, une demande à l'aide, une demande par manque de solution aussi. Et puis ce matin, je parle avec deux coordonnatrices cliniques du Centre de crise de Québec et de ce sujet tabou-là, qui est les crises. J'aimerais en parler avec vous. Je reçois Huguette Savard, coordonnatrice clinique, et Christiane Allard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, le Centre de crise de Québec. J'aimerais connaître la mission. Qu'est-ce que c'est que l'organisme? Le Centre de crise de Québec, c'est un organisme qui existe déjà depuis 1987, qui a été mis en place pour, d'abord, comme premier rôle, désengorger les urgences qui étaient à ce moment-là très engorgées par toutes sortes de difficultés que les gens vivaient, mais avec laquelle il n'y avait pas de réponse. Ils se présentaient dans les urgences. Et donc, il y avait un parallèlement collectif qui s'était rencontré pour mettre en place un service d'intervention de crise. Donc, la mission première, c'est d'offrir des services adaptés aux personnes qui vivent une situation de crise, puis qui savent pas quoi en faire, donc qui s'adressent directement à nous et ou encore qui sont référés par leur milieu, leur famille, leurs amis ou des ressources comme les urgences qui ont des ententes avec nous ou okay. les organismes communautaires ou les organismes réseau. En fait, toute personne en crise peut recevoir de l'aide au Centre de crise de Québec. Et toute personne en crise... vous avez un peu répondu quand est-ce qu'on vous contacte, donc quand il y a une période de crise, mais qu'est-ce que c'est que la définition d'une crise pour le centre, pour un centre comme vous? La crise, c'est vraiment... ça peut être large. Oui, c'est large. On a une typologie, évidemment, là. Mais la crise, ça se définit par souvent... ça commence par souvent un déclencheur ou plusieurs déclencheurs qui s'installent tranquillement. Qui fait qu'on on perd nos repères. Donc, nos forces habituelles, nos habitudes sont chamboulées. Mm-hmm. Ça va se détailler, puis tout le monde va se reconnaître là-dedans. Installation un peu d'éléments dépressifs, fatigabilité, Nous, ce qu'on voit aussi, le sommeil est perturbé, la personne a perdu de l'intérêt, obligée de prendre congé, tout ça. Ce qui fait que nous, on définit la crise comme... vous savez, la plupart des gens, on va en vivre des crises dans une vie. Ben oui. Alors, pour nous, c'est très, très démocratique. Donc, puis c'est pour ça qu'on a une certaine typologie de crise, mais des crises, la vie de tous les jours, ben c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire des deuils, des ruptures amoureuses. Bon, si on se reconnaît tous là-dedans, une annonce d'une maladie, mm-hmm. ben on est tous chamboulés, et ça se peut qu'effectivement, on n'est plus la même personne. Fait qu'on a besoin d'avoir du répit, des fois de consulter. Donc, les centres de crise, ils servent à ça, de consulter, comme disait Christiane Amanda aussi, d'éviter d'être hospitalisé. Mm-hmm. Ou consulter, ben, ça peut permettre effectivement de commencer à regarder qu'est-ce qui se passe, puis quels moyens on peut mettre en place. Mm-hmm. Puis moi, j'ajouterais qu'il y a des personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et ils vont vivre comme n'importe qui d'autre, la possibilité de vivre une rupture, un deuil, une agression, quoi que ce soit qui est perturbant puis qui leur fait perdre leur équilibre. Alors, pour éviter qu'ils se désorganisent, ils vont venir chercher de l'aide chez nous et souvent, ça va empêcher justement une hospitalisation, une dégradation de leur état parce qu'on s'adresse autant à monsieur, madame, tout le monde qu'aux personnes qui ont une problématique ou encore des gens qui vont vivre un traumatisme, une agression. Donc, quand on parlait de type de crise, ben, c'est tout ça, finalement. Et c'est pour permettre un moment d'arrêt qui permette de retrouver des solutions pour rétablir l'équilibre. Vous parlez d'agression, puis je ne veux pas surfer sur nécessairement les nouvelles des derniers jours, mais est-ce que vous avez eu une augmentation de demandes d'aide quant aux agressions, à ce qu'on entend dans les médias? Parce que là, ça sort de tout bord, tout côté. C'est probablement plus via le secours qui reçoit beaucoup d'appels concernant ce qu'on entend, les dénonciations. Mais ça fait beaucoup d'informations qu'on a à traiter en tant que spectateur de ces médias-là ou peut-être de victime, qu'on aurait déjà été victime d'une agression. Ou est-ce que vous avez vu une différence cette semaine? Ben, je dirais qu'on était beaucoup en réunion. Vous n'avez pas envie de regarder toutes les statistiques puis ce qui rentrait dans... Il y a quelques interventions, mais c'est sûr que ça se compare pas à les gens qui ont les victimes qui appellent soit la police, les CAVAC ou le viol secours. C'est clair. Mais c'est sûr que dans les gens qui viennent chercher de l'aide chez nous, ben oui, il y a des victimes, il y a des histoires de gens qui ont été agressés sur le plan sexuel, évidemment, puis qui laissent des symptômes post-traumatiques. Fait que c'est sûr que ces événements-là, il y a des gens qui vont nous en parler. Là. Moi, je suis témoin de quelques téléphones, là, puis de des consultations en entrevue. Oui. Mais nous, comme intervention de crise aussi, ben, on réfère aussi aux bonnes ressources dans certaines spécialités aussi. Oui, vous allez référer. Oui. Qu'est-ce qui peut... On en a parlé un petit peu, les causes, mais qu'est-ce qui peut déclencher du jour au lendemain? Parce que vous êtes coordonnatrice clinique. Vous êtes aussi sur le terrain, si je ne me trompe pas. Vous êtes avec les gens. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun par rapport aux crises? Ou est-ce que, paf, ça part? Oui, c'est vrai que tout le monde peut la vivre, cette crise-là, à différents degrés. Mais quand on va chez vous, qu'est-ce que vous avez remarqué concernant les crises? C'est sûr qu'il peut y avoir un état de fragilité préalable. Hein? Si on est en pleine forme, puis qu'on vit une rupture, puis qu'on a un bon réseau, probablement que le réseau va nous soutenir, puis on va être capable de passer au travail. Par contre, si on arrive d'une autre localité, qu'on n'a plus personne autour de soi, qu'on est dans un nouveau travail, c'est sûr qu'on est déjà dans un état de plus grande difficulté d'adaptation. Donc, ça peut nous atteindre davantage. La même chose pour le deuil, la même chose pour une situation de conflit relationnel dans la famille ou au travail ou avec les amis. Plus notre état préalable à l'événement, qui peut être perturbant, va être fragile, plus notre état, ben, plus on risque d'être en crise. Et ça dépend toujours, comme je le disais tout à l'heure, peut-être du soutien qu'on a construit au fil du temps. Mais ça n'empêche pas que à cause de ça, n'importe quand, n'importe qui peut vivre une crise au sens de la crise psychosociale dans tout événement qui est perturbant. rapport à la santé mentale. Quelqu'un peut être plus fragile du fait de son histoire, du fait de son histoire familiale, son réseau, tout ça. Là, c'est pas le réseau qui est en cause, je m'excuse. Je veux dire plus une fragilité individuelle. Mais c'est ça qui va faire aussi que s'il accumule deux, trois événements un après l'autre, peut-être qu'il n'y en a plus de capacité d'adaptation. Puis là, il perd pied. C'est dans ce sens-là que je dirais que ça fait une différence d'une personne à une autre. Puis ce qu'on nommerait comme état de crise psychosociale, bien, c'est vraiment tous les événements perturbants, dans le fond. Ça peut être aussi, ça peut aller jusqu'à la perte d'emploi aussi. Oui, ça peut être quelqu'un qui va dire, ben non, c'est banal, là, c'est correct, je vais... Mais un coup, la porte de la maison fermée... Oui, puis ça dépendait de l'épuisement au travail. C'est ça. Comment ça a été... ça touche l'ego. Ouais, l'estime de soi, qui est une estime de soi fragilisée, on est pas mal tous vulnérables. Oui. Pardon. Des problèmes financiers aussi. Tout à fait, qui sont très présents aussi souvent, ouais. Qui cumulent là, avec c'est la situation, une perte de capacité de rebondir pour un temps. On en entend beaucoup parler là, de l'endettement, donc j'imagine vous pouvez en voir. Qu'est-ce qui est la plus grande peur des gens d'aller vous voir? Qu'est-ce qui fait hésiter les gens? Puis je veux qu'on vous connaisse, oui, pour faire connaître l'organisme, tout ça, que ça rayonne de plus en plus, entre autres à Québec avec votre centre de crise. Mais qu'est-ce qu'il y a à part le fait qu'on vous connaisse pas? Puis là, il n'y a plus de raison ce matin de ne pas vous connaître, mais qui fait qu'on ne vous appelle pas? Je pense qu'il reste un peu de méconnaissance. Il y a du tabou encore, il y a des préjugés. Beaucoup, hein? On peut associer à la crise comme de la faiblesse. Je pense qu'avec les dernières années, c'est de moins en moins tabou. On voit la crise comme... il y a des gens qui ont une vision de la crise comme quelqu'un qui vient agressif. Oui. Et la présentation de la crise, ça peut être beaucoup des éléments dépressifs, du retrait, ce qu'on voit le plus souvent. Donc, il y a de la colère dans la crise, mais il y a beaucoup d'épuisement, il y a beaucoup de besoins aussi. D'impuissance aussi. Oui, la honte, mais aussi, on va tous un peu au bout. Les gens essaient ils ont toute une capacité de résilience, ils ont des forces, tout ça, ils essaient. Des fois, on attend un petit peu trop, je pense, pour la plupart des gens. On étire l'élastique. Ouais. Puis on veut pas aussi... déranger notre propre réseau, des fois. C'est fait qu'on s'isole davantage, puis on veut pas inquiéter nos proches, notre conjoint, les enfants, puis si on regarde des fois la socialisation des hommes aussi, ça peut être encore plus caché, là, mais... je pense que c'est les principaux motifs que je vois qui servent de ton côté. Puis moi, je dirais aussi que les gens, quand ils viennent, sont souvent surpris de trouver un milieu qui est calme. Parce que tu vois, il va avoir une image un peu, peut-être par la psychiatrie du passé, comme si c'était épeurant, un centre de crise, comme si ça allait crier, comme tu dis. Bouger, on va m'enfermer. Peut-être pas tant l'enfermement comme l'image de tout le monde est désorganisé un peu. Puis la vision de ça, c'est pas attirant pour quelqu'un qui a pas d'énergie. Qui est en manque de capacité. Donc, quand les gens arrivent, ils sont très libres. D'abord, parce qu'ils viennent sur une base volontaire. Nous, notre philosophie, c'est basé sur le respect de leur choix, leur liberté décisionnelle, puis leur responsabilité qui va avec. Parce que, par exemple, quand on est en grande détresse, il peut y avoir la moitié de notre clientèle qui est suicidaire. Il ne faut pas oublier que c'est quand même important. Et que là, ils vont être entourés. Et on va donner le soutien. Mais ils peuvent avoir peur de demander ce soutien-là parce que, comme disait Huguette, ils se sont beaucoup isolés puis ont peut-être perdu un peu le regard sur comment ils étaient quand ils fonctionnaient, là, s'ils ont trop attendu. Puis ils n'auront pas peut-être le réflexe de demander comme niant, essayant de cacher aux autres parce que se sentent, pour toutes sortes de raisons, leur égo ou autre. Des fois, c'est juste l'incapacité là, de demander puis c'est les autres qui vont demander à leur place. Alors, ça, c'est... je pense que c'est une des peurs, là, cette image de la crise parce qu'on nous a souvent dit, pourquoi vous changez pas votre nom d'organisation. Mais finalement, pour nous, la crise, c'est tellement vaste, puis c'est tellement en même temps un peu la même chose pour chacun quand il est en perte d'équilibre, quel que soit le symptôme ou la manifestation, parce que ça peut être très varié selon notre personne. Ça doit être difficile aussi de s'admettre en crise. Oui, il y a de ça. Ça doit empêcher. On n'applaudit pas, là, on ne court pas après non plus. Donc, effectivement, c'est... Il y a quelque chose encore de... Socialement, honteux. Il y a des stigmates qui restent. Il y a des stigmates qui restent, ouais. Oui. De moins en moins, fort heureusement. C'est sûr, je parlais au départ de deux personnes en crise. Quand je donnais dans l'intro l'exemple des deux personnes qui se sont retrouvées au-dessus d'un, ben, au sommet d'un, de chaque pont, là, autant le pont de Québec que le pont Pierre-Laporte. Ça, c'est des événements qui, moi, depuis que je suis à Québec, j'avais pas entendu parler. J'avais jamais vu ça. Et là, deux dans la même semaine. Et les commentaires que j'ai lus sur les réseaux sociaux, c'est tellement... Je les répéterai pas parce que c'est dur. C'est difficile à lire. Et il y en a un, entre autres, que j'avais lu, que celui-là, je vais le dire parce que c'était tellement imbécile. Et c'était, ben, gars, tu vois, on devrait avoir un troisième lien, finalement. J'ai trouvé que les gens étaient pas très détachés, manque d'empathie. Ouais. Hey, tu viens de me mettre en retard un matin. L'autre, oui, c'est ça. Ah, c'est triste. Et ça, c'est les moins pires que je vous cite, que j'ai lu. C'est sûr qu'il y a eu des gens qui ont défendu. Ça aussi, là, ça, il y a des gens qui ont défendu, qui ont dit, écoute, il est en crise, il demande de l'aide. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là avec le stigmate qui reste? Je suis encore dans ces questionnements-là à me dire, mais ces deux personnes-là sont montées au sommet. Qu'est-ce qu'on fait avant de se rendre là? Qu'est-ce qui a manqué? Je sais que vous connaissez pas personnellement ces causes-là, mais avant de se rendre là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui nous écoutent? Je pense qu'il faut compter sur son réseau ou demander de l'aide. La façon de demander de l'aide, évidemment, quand on bloque des ponts, ça touche c'est pas mal de monde. Extrême, oui, mais c'est quand même un appel d'aide. On peut la juger. Oui. Nous, on n'est pas là pour les juger. La demande d'aide, s'il y en a une, il faut y répondre. Puis, même si on pense qu'elle est mal exprimée, là, on n'a pas à juger ça du tout. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne la demandent pas, puis ils font plus de l'isolement. Oui. Fait qu'importe le style, là, nous, quand il y en a une, puis la façon que les gens pensent quand ils sont dans des périodes noires avec des idées suicidaires qui deviennent récurrentes, qui ne voient pas le bout de ça, ben c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de l'aide. Puis quand ils en reçoivent, ben là, effectivement, ils l'analysent, sont aidés à la regarder, leur crise, puis à trouver des moyens et prendre effectivement de l'analyser, le malaise. Puis quoi faire, qu'est-ce que la personne peut faire avec? Oui, parce qu'on travaille avec la solution de la personne. Mais comme disait Huguette, le recul est nécessaire pour pouvoir l'avoir, cette solution-là, parce que des fois, ils ont épuisé toutes les capacités ou les moyens qu'ils connaissaient, puis il faut qu'ils en trouvent des nouveaux, mais ils ont besoin d'un recul. Et on ne connaît pas toujours leur trajectoire. Quand le monsieur se retrouve ou la madame sur le pont, peut-être qu'il en a fait des demandes d'aide qui n'ont pas été entendues, peut-être qu'ils n'ont pas formulé adéquatement, peut-être qu'elles n'ont pas pu s'orchestrer au moment le plus important pour cette personne-là, puis qu'ils ont perdu espoir. Alors, s'ils se retrouvent là, en général, c'est pour demander de l'aide, mais des fois aussi parce qu'ils ont perdu espoir et qu'ils ne sont plus capables de faire autre chose et que dans leur perception à eux, ils sont vraiment rendus à n'en finir. Là. Puis c'est heureux qu'on les rejoigne, qu'on arrive à donner des services dans ce sens-là, pardon, parce que leur capacité à eux de s'autogérer, elle n'est plus là. Quand on parlera des services qu'on donne, on a une équipe spécialisée là, pour des situations comme celle-là. On pourra en parler. Huguette travaille particulièrement avec une des équipes, notre équipe mobile. On en parlera un peu plus tout à l'heure. On va parler aux services. Mais c'est important qu'il y ait une réponse. Puis l'environnement aussi, les amis, les parents, ils peuvent demander eux aussi quand la personne n'est pas en mesure de le faire. Ils peuvent s'adresser à nous parce qu'on va répondre. Puis on va aller au-devant des personnes si c'est nécessaire. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Et aussi, c'est... OK, oui, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas de réseau nécessairement. Quelqu'un qui arrive dans une nouvelle ville, quelqu'un qui a coupé les ponts avec... qui a coupé les liens avec sa famille, qui n'a pas d'amis nécessairement, que les collègues restent des collègues qui ont de la difficulté des fois à se faire des amitiés. Et puis ça, c'est plus fréquent qu'on pense, je crois. Et Ce que j'ai remarqué avec le Centre de crise de Québec, c'est que vous êtes vraiment sans jugement. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Donc, que ce soit la famille qui vous contacte ou la personne elle-même, le jugement, il y en a zéro, là. Peu importe la crise que vous vivez. Ça, c'est important. En intervention, le jugement, c'est assez néfaste. Les gens, de toute façon, ils s'auto-jugent, s'auto-stigmatisent déjà. Il ne faut pas en rajouter là-dessus. Nous, on est plus dans l'accueil aussi. Puis Christiane, on fait ça depuis 30 ans. Christiane est là depuis 30 ans aussi. C'est effectivement de voir aider les gens à la regarder, la crise, mais la normaliser. Parce que les gens nous arrivent, puis normaliser des fois, pourquoi ils sont épuisés? Quand on les regarde, puis eux, ils prennent la place à l'exprimer, ben on me dit, il y a beaucoup de choses qui sont normales dans... Mais c'est pas ce que les gens disent en crise. Ils disent, voyons, je suis fou, c'est pas normal. Pourquoi je suis pas capable de supporter ça? Tout à fait, je suis faible, tout ça. Tandis que c'est pas une question de faiblesse, c'est une question une fatigabilité, une mauvaise période, un événement. Un épuisement, un événement en choc qui arrive. Ça des touche la famille. Des imprévus aussi. Des imprévus, tout à fait. Des accidents, des traumatismes dans certaines situations. Les gens perdent leur repère dans ces cas-là, puis ils ont besoin d'aide pour prendre le recul, d'être accompagnés là-dedans, d'avoir quelqu'un qui va entendre et qui va pouvoir mettre avec eux de l'ordre dans cette lecture-là qu'ils font, qui peut être à ce moment-là... trop collé sur la réalité, finalement, puis qui n'arrive plus à voir devant. Et des fois, avec la perte des rites de base, quand les gens ne mangent plus, ne dorment plus, ils ne sont plus capables de penser là, adéquatement. Quand ils s'épuisent à ce point-là, il faut d'abord que ça soit replacé avant de pouvoir envisager quelque chose qui va faire la différence pour retrouver une vie et un espoir que ça puisse aller mieux. Parce que des fois, ils l'ont plus, cet espoir-là. D'ailleurs, l'état suicidaire, c'est quand la personne n'en voit plus de solution. C'est pas parce qu'elle veut mourir la plupart du temps, c'est parce qu'elle n'est juste plus capable de supporter la souffrance qui est en elle. C'est trop grand. La demande principale. Alors là, si on donne soutien, s'ils ne se sentent plus seuls avec ça, déjà, ça fait un peu une grande différence. Et c'est jamais nous qui trouvons la solution, c'est eux qui la portent en eux, mais on peut les aider à s'orienter, à mettre en place des services, à réfléchir. À des solutions. C'est ça. D'ailleurs, j'aimerais ça savoir, quand on vous appelle, comment vous procédez? Comment vous procédez avec l'accueil, avec la personne qui est en crise, qui fait le premier pas, qui est probablement le plus difficile? Comment vous procédez après ça? Comme en entrevue aussi, là. Alors, ça commence par une entrevue téléphonique, là. Donc, la personne appelle, on pose des questions, on recueille l'information. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, on regarde au niveau émotif qu'est-ce qui se passe. Et voir, effectivement, il y a beaucoup de gens qui appellent. Donc, avec même un appel, il y a beaucoup de... La personne le fait qu'elle se sente écoutée, qu'elle puisse libérer des émotions. Déjà, là, on voit une crise qui peut se résorber. Donc, on résorbe beaucoup de crises. Et on sait que des fois, c'est pas seulement un téléphone. Donc, un intervenant de crise aussi, c'est quelqu'un qui réfère. Parce que nous, on travaille dans le court terme, mais c'est quelqu'un qui connaît le réseau du communautaire, réseau social, réseau médical et tout. Donc, des références. On fait des concertations aussi. On peut aider les gens à consulter davantage aussi, de devancer des rendez-vous. C'est fou de parler à leur équipe traitante quand ils en ont, d'en parler aux proches. Ça, vous pouvez les aider. Okay. Oui. Puis, ça commence par le téléphone. Puis, nous, on appelle ça nos répartiteurs. Donc, ils ont à résorber des crises. Ils peuvent inviter des gens à venir en entrevue. C'est souvent dans les 24 heures et la journée même que ça peut se faire. Pour parler. Pour parler aussi, des fois vis-à-vis, c'est intéressant. Les gens préfèrent. Des fois, ça complète la lecture aussi qui est insuffisante au téléphone. Des fois, c'est nécessaire pour voir vraiment comment on va mieux aider. Puis il y a des gens qui demandent aussi d'emblée un hébergement parce qu'ils savent que c'est plus possible de rester dans leur milieu. Là, à ce moment-là, on en parle, les services d'hébergement. Mais il y a aussi les autres demandes qui s'adressent à l'équipe mobile. C'est ça, une équipe, une intervention à domicile. Alors, quand on appelle au centre de crise, nos agents d'intervention de crise, bien, ils analysent tout ça. Mm-hmm. Bon, fait que l'offre de service, on vient un peu de la présenter, là. Bon, soutien téléphonique, résorption de la crise et référence, entrevue externe, de l'hébergement, on a trois résidences, Christiane a pu en parler, puis il y a l'équipe mobile aussi. Bon, on donne de la formation pour sensibiliser de la crise, effectivement, dans mm-hmm. le milieu, là. Il y a un point que vous venez de dire concernant vous contacter les services autour, tout ça. Mm-hmm. Moi, il y a toujours l'image que j'ai en tête de la personne qui va au CLSC parce qu'elle est en dépression. Mm-hmm. Et que selon le système, selon tout ce que la personne a rentré, elle n'est pas assez en dépression pour le système, donc elle reste en attente, et c'est pas assez grave son état, elle reste en attente pendant peut-être un an de temps sur la liste. Mais pendant ce temps-là, l'état de la personne peut dégrader. Mm-hmm. Est-ce que c'est là aussi ou est-ce que un système, ça reste un système? Mm-hmm. L'intervenante du CLSC le voit peut-être que c'est correct ou c'est pas correct ou mm-hmm. qu'est-ce qui se passe? Mais on va attendre, on va te mettre sur la liste d'attente. C'est arrivé à une personne proche de moi, j'ai trouvé ça révoltant un peu. Mais c'est pour ça que des services comme le Zoom, nous, c'est du 24 heures. C'est ce que la personne aurait pu faire, par exemple, appeler, puis là, on a une offre de service. Parce que comme Huguette a dit, notre offre de service à ce moment-là peut se mettre en place parce que on essaie de faire du cas par cas chez nous. Mm-hmm. C'est la latitude qu'on a comme organisme communautaire, ce qui fait que notre système nécessairement est ouvert 24 heures et de plus, je pense qu'il y a un peu plus de souplesse parce que on a excusez-moi, la possibilité de s'ajuster au cas par cas. La personne qui est comme ça, en état dépressif, puis qui est peut-être pas en mesure d'être priorisée par un système, que ce soit mm-hmm. CLSC ou un autre. Mais si elle vient de chez nous, peut-être qu'on va travailler à mettre en place des moyens qui vont lui permettre d'attendre le suivi, idéalement. Mm-hmm. Si elle ne peut pas l'attendre, d'aller trouver ailleurs dans les autres réseaux, qui sont pas les réseaux officiels, d'autres services. Puis peut-être que là, on lui offrira un hébergement pour régler au moins, je dirais, l'essentiel de sa difficulté. Là. On ne fait pas de magie non plus. Là. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui est en dépression majeure, elle va avoir besoin de temps, on le sait. Mais il y a des moyens de travailler de concert, peut-être avec son médecin, avec son réseau, si elle en a un. Si elle n'en a pas, d'en mettre un en place, même si mm-hmm. c'est pas... comme je dis, on va permettre des fois de faire prioriser des clientèles. Oui. On n'a pas cette possibilité plus que les autres. Là. C'est juste qu'on travaille en concert avec ces gens-là. Donc, mm-hmm. quand on fait des concertations, on peut parfois avoir beaucoup plus de temps pour évaluer la situation qu'en une seule entrevue. Si la personne vient passer un séjour d'une semaine chez nous, on va peut-être avoir des éléments plus précis qui vont nous aider ou bien à résorber pour un temps ou bien à faire prioriser une demande qui serait plus urgente. Tout à fait. Oui, parce que même autour de moi, j'ai une de mes amies qui travaillait, entre autres, dans un CLSC, un type de CLSC, je ne me rappelle pas exactement. Ça a tellement changé les organisations. Ouais. Et c'était, entre autres, elle, ce qui la choquait, et c'est pour ça qu'elle a changé de place, qu'elle ne travaille plus là, parce que c'était l'ordinateur. Il fallait qu'elle se fie à un système préétabli de cocher les cases. Comment vous sentez-vous de 1 à 10? Comment mm-hmm. si? Quelles questions? Avez-vous des pensées suicidaires, oui ou non? Puis il y en a aussi qui vont répondre oui pour avoir un service plus rapide. Et c'est ça qui est choquant. Donc, l'intervenant peut pas, la travailleuse sociale ne peut pas faire son travail pleinement à son goût, là, à quelque part. Mm-hmm. Je me pose cette question-là. Mm-hmm. Donc, avec vous, il y a un côté humain. Vous ne vous fiez pas à des questionnaires. Ressemble à des quiz. Oui. Non, mais c'est juste, c'est sûr que l'offre de service qui était faite, c'est basé aussi sur une réponse rapide. Mm-hmm. Tant que faire se peut, on n'a pas. C'est quoi, c'est du 48 heures en attente d'hébergement? Oui, des à peu fois. Près 48 heures. Puis quand il n'y a pas de filet de sécurité, ben on va aller faire une entrevue s'il faut, on va répondre. Fait que notre offre de service, c'est l'immédiateté. C'est l'immédiateté. Ouais. Puis dans l'immédiateté, si effectivement on accueille quelqu'un en hébergement, puis qu'elle est fatiguée, la première chose qui va être arrivée, on va aller se coucher. Puis on va faire l'entrevue le lendemain, s'il faut. Mm-hmm. Donc, on va faire une cueillette d'informations, puis on va on va vouloir connaître c'est quoi la présentation du sacré, c'est quoi le vécu, c'est quoi que les émotions qui sont là-dedans. Puis c'est avec elle aussi qu'ils vont être fixés le temps que ça y prend. On réévalue avec elle. Donc, il faut effectivement immédiateté, adaptabilité, c'est nos couleurs. Oui, oui. Oui. On va prendre. Puis c'est vrai aussi que... Oui, avant la pause. Ah, excusez-moi. Non, je pense que j'ai perdu. On peut aller à la pause, on reviendra. C'est pas grave, ça va revenir. Non, allez-y. Je parlais d'adaptabilité. Oui, ben la seule règle qui pour nous est majeure, c'est que la personne, elle doit s'engager à respecter sa sécurité. Elle doit nous dire que si elle est suicidaire, par exemple, puis je reviens là-dessus parce que c'est important, mais qu'elle s'engage pour nous à venir nous dire si elle n'est plus capable d'assurer sa sécurité et celle des autres. Alors, à partir de là, nous, on fait confiance. On est dans le contact d'échange, puis on va intervenir dans ça. Bien sûr, c'est pas parfait. À ce sens, que si on avait une équipe de soutien, on a eu pendant un temps une équipe de soutien pour attendre justement les suivis spécifiques là, pour les CLSC ou pour d'autres organismes. Ouais. On a eu un budget indépendant pour ça qui était offert par une entreprise. Ouais. Ça s'était terminé. On a demandé, on tente de négocier pour avoir d'autres budgets supplémentaires parce que nos budgets, évidemment, c'est des budgets communautaires. Ils sont assez importants pour certains autres organismes, mais on a 3 maisons avec 24 heures de service. Cette jours semaine, avec des intervenants sur les planchers, c'est sûr que ça, c'est toute l'infrastructure qui prend beaucoup de sous. Alors, on n'en a pas pour donner des services de soutien après la crise. La crise, elle se résorbe, mais des fois, il y a beaucoup de fragilité par la suite. Alors, s'il y a trop de délais, comme vous dites, pour avoir aussi un service de suivi, on fait notre possible. C'est pas parfait. On voudrait s'améliorer. On voudrait en avoir plus. Mais pour l'instant, c'est les limites financières qui nous placent dans cette position-là. On va en parler de vos services après la pause. Parfait. Justement, j'aimerais ça qu'on puisse éclairer les gens sur... Là, on a vu un peu votre démarche, tout ça. Mais j'aimerais qu'on sache les services qui sont offerts. Et puis, revenir aussi sur les mythes, les préjugés qui entourent une crise et ce qu'on peut entendre, vous devez en entendre pas mal des préjugés, puis les mythes aussi qui entourent les crises. On revient après la pause, à tout de suite. Vous êtes de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10 heures et vous êtes toujours aussi sur les ondes de CKRL au 89.1. Ce matin, aux Différents, on parle d'état de crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? On en a parlé un petit peu. Ça peut vraiment passer par tous les sujets, qu'on parle d'une perte d'emploi, qu'on parle d'un deuil, qu'on parle d'un temps de crise et aussi c'est tout le monde peut vivre ça. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a personne qui est à l'abri. Il n'y a personne aussi, pas parce qu'on a de l'argent ou qu'on est dans la pauvreté que ça va plus nous arriver ou moins nous arriver. Je suis avec Huguette Savard, coordonnatrice clinique du Centre de crise de Québec et Christiane Allard, coordonnatrice clinique aussi du Centre de crise de Québec aussi. J'aimerais qu'on parle de vos services, parce que là, vous avez beaucoup parlé de vos types d'interventions, comment c'est sans jugement, tout ça, mais vous avez des services aussi au travers, et j'aimerais ça qu'on en parle, parce qu'ils sont pas assez connus à mon goût. J'aimerais ça que les auditeurs les connaissent. Avec plaisir. Allez-y. Vous parlez qu'on est deux coordonnatrices cliniques, évidemment, on se répartit nos volets de services, nos équipes d'intervenants. Donc, moi, je suis responsable de l'équipe qui fait de l'intervention téléphonique. D'ailleurs, tous nos services rentrent par là. Il faut téléphoner pour avoir accès à nos services. Donc, j'ai une équipe qui est dédiée à faire, comme je disais, à résorber les crises au téléphone, à référer et à recevoir des gens aussi en entrevue. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, ils ont aussi à offrir l'offre de service, évaluer si c'est possiblement de l'équipe mobile, donc des intervenants qui vont aller faire de l'intervention à domicile, ou puis ils regardent aussi l'offre d'hébergement. Alors, et quand on parle d'entrevue, c'est vraiment une première rencontre avec la personne qui a téléphoné, et pour établir vraiment le contact. C'est pour commencer un contact. Oui, c'est pour faire ventiler la personne, connaître aussi son type de crise. C'est quoi ses besoins de recul, besoin de puis l'entrevue? De référence à des organismes. Il y a énormément de... Un intervenant de crise, il faut que ça connaisse. Oui. Il y a un oasis de service. Oui, il y en a. Y en énormément. Puis, il faut qu'ils sachent où référer. Il y a des services qui sont gratuits. Il y a beaucoup de services communautaires où, dans les problématiques, les enjeux que je trouve que c'est méconnu. Oui, oui. On va souvent aller vers le réseau, un psychologue comme vous dites, privé, mais il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont gratuits puis qui peuvent faire du bien aux gens, là. Oui. Puis, comment ça se passe, l'entrevue? Comme on disait tantôt un petit peu, vous êtes là, vous écoutez, mais la personne qui appréhende, qui dit, ben là, je vais appeler, puis après ça, il va falloir que je me présente. Mais qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre un peu? Ben pas les convaincre, mais les enlever cette peur-là qu'ils ont de faire le premier contact pour aller vers vos services. Ben, on est toujours dans le travail de normalisation, démystification. On revient à la normalisation. Puis, tu sais, nous, c'est sûr qu'on vous... On contraint personne, hein? Ben on oui, laisse puis le temps. Quand tu dis qu'il n'y a pas de jugement, c'est qu'on est aussi... Demander de l'aide, c'est un acte courageux. Mm-hmm. Vous laissez la sain, porte ouverte. Et sain. Oui. Ben oui. Alors, on parlait de stigmate, mais c'est sain. Faut pas attendre trop. Alors, demander de l'aide, on va dire... Puis les gens, ben, ils connaissent pas ce qu'il y a dans le réseau des services. On non. parle souvent de CLSC, puis qui s'est embourbé, puis... Puis ça, il y a du délai, tout ça. Mais c'est le premier réflexe, le CLSC. C'est ça, mais... Non, il y a beaucoup de services en communauté où les gens, ça peut être assez rapide. Donc, ça, c'est important de le mentionner, ça peut être si, rapide. Si on a nous rappeler quelques fois dans les semaines qui viennent, ben, ils ne sont pas limités, là. Puis, pour venir en entrevue, on leur explique quand même, venez, vous avez besoin, venez, on va en parler. Comme je disais, le fait que résorber une crise, c'est ça, c'est d'écouter, normaliser les émotions qui vont avec. Ne pas la juger. Perte du rationnel, des fois, dans la crise, l'épuisement. Oui. Diminuer l'anxiété, référer, offrir du répit. Donc, c'est tout ça, là. Je ne sais pas si c'est clair. Oh, c'est très clair. Puis, les parents aussi, hein, parce proches, qu'on parlait oui. de l'équipe mobile, Guette, comme elle dit, son équipe aussi va mettre en place les services d'équipe mobile. Ça s'adresse beaucoup plus aux parents, aux amis, aux propriétaires, aux patrons qui vont voir des gens en crise puis qui ne savent pas comment les aider puis qui vont nous interpeller. Et là... Si la personne est en détresse puis elle n'est pas capable elle-même d'appeler ou de venir nous voir, ces gens-là peuvent nous interpeller. Puis l'équipe mobile que Guette supervise va aller évaluer si la personne est en détresse. Mais elle a deux fonctions. Hein. C'est aller voir quelqu'un qui est en détresse, qui n'est pas capable de se déplacer, mais également aller estimer la dangerosité chez une personne pour elle-même ou pour son entourage. Et ça, c'est très précieux et ça fonctionne beaucoup parce que ça évite beaucoup de détérioration. Ouais. Et de danger. De danger pour la personne, pour elmême et pour autrui. Là. Ouais, c'est la prochaine prévention à l'application de la loi P38 voilà. Pour laquelle on est mandaté. La loi P38, c'est? C'est une loi d'exception. Oui. OK. Où on peut enlever les droits des personnes et obliger à avoir une évaluation psychiatrique. On va faire ça simple. Ben oui. Parce que, effectivement, nous, on a le mandat d'estimer. Le degré de dangerosité, ça se traduit je suis hautement suicidaire, je garantis pas que je le ferai pas, je suis rendue trop loin, mais on va amener la personne à l'hôpital si elle collabore. Quand on applique la loi, c'est quand la personne est désorganisée et dangereuse pour elle ou autrui. Donc, là, faut l'obliger à consulter, même si ça ne veut pas. Et souvent, c'est le caractère de... D'exception. Et que la personne n'est pas volontaire. Parce et qu'on va pas avoir... assez... Et son jugement est trop altéré. Okay. Parce qu'on va avoir essayé, puis ça arrive régulièrement que ça réussit, hein, avec nos équipes, parce qu'on a partagé cette équipe-là. Guette et moi, c'est ça que j'en parle aussi. On a travaillé beaucoup avec l'équipe, toutes les deux. Et souvent, la plupart du temps, en mettant des services à leur portée, ça va éviter cette obligation de consulter, puis de retirer la liberté des gens. Dans la plupart des cas, l'équipe arrive avec les mesures qu'on peut mettre en place à éviter ça. Et c'est important. important pour les personnes parce que c'est jamais heureux de devoir enlever, mais en même temps, on a à choisir entre la vie de la personne ou sa liberté. Mm-hmm. Alors, dans ce cas-là, nos intervenants sont spécialisés pour faire ce travail d'évaluation. Oui, ça, parce c'est clair. Il faut pas abuser, là. Effectivement, c'est vraiment de l'exception. Fait que moi, je trouve qu'on... Avec bon an, mal an, c'est du 8% qu'on a d'application sur bon an, mal an, 350 à 400 sorties par année. Donc, je me dis, on réussit à faire dévancer un rendez-vous, à ce que les gens nous disent, oui, vous pouvez concerter mon médecin, oui, vous pouvez... Les dernières sorties, on a pu faire avancer des dossiers au CLSC, que ça soit pris en charge tout de suite, dans l'urgence, priorisé. Ouais. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de concertations dans ce sens-là, ce qui fait qu'il y a un système qui est mobilisé. Puis il y a de l'accompagnement, surtout. Ça fait une très grosse différence pour le milieu, pour les familles, pour le milieu. Mmh. Et bien sûr, on respecte la confidentialité, on n'a pas tous les détails, mais on va prendre en charge le travail à faire avec la personne qui va devenir responsable de ses choix, mais qui va les assumer aussi. Oui. Hein? C'est ça qui est intéressant beaucoup. Puis, des fois, ça va devenir une période d'hébergement, justement, pour mettre tout ça en place. Quand on parlait des services tout à l'heure, si je poursuis un peu, les équipes téléphoniques et d'équipes mobiles vont avoir constaté qu'il y a besoin de sortir la personne de son milieu. Bien là, c'est là que l'intervention va se faire en hébergement de crise. Quand on parle d'hébergement de crise, on a deux maisons, une à l'est, une à l'ouest, que je supervise pour donner des services de répit, mais beaucoup, beaucoup, pour faire de la résolution de crise. Donc, la personne a besoin de sortir de son milieu. Le milieu n'est pas capable, est épuisé ou inadéquat, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, c'est surtout que la personne a besoin de sortir du milieu pour être accompagnée et pour pouvoir travailler des solutions comme ça. Donc, tous les jours, deux fois par jour et plus si besoin, il va y avoir des entrevues avec les intervenants spécialisés dans la résolution de crise. Elle va être hébergée, on va faire les repas avec elle, on va l'accompagner au quotidien, on va l'accompagner chez son médecin si nécessaire, on va faire la concertation s'il y a des intervenants pour travailler dans le même sens et s'il n'y en a pas, on va en mettre en place si nécessaire. Vous les prenez un peu en charge en quelque sorte. Vous les aider, mais au départ, prise en charge. C'est ça. La différence que je ferais sur la prise en charge, c'est qu'on va les accompagner parce que la prise en charge, ça suppose qu'ils ne vont plus rien faire. Un peu comme s'ils étaient pris à l'hôpital. Comme à l'hôpital, on ne fait plus rien, tout se passe tout seul, puis on attend finalement d'être là. Chez nous, ils vont participer. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de cuisinier chez nous, ils font les repas avec nous, ils font les choses. Ils maintiennent leur autonomie, ils maintiennent leur capacité décisionnelle dans la mesure où c'est possible, puis au rythme où ils sont capables de faire. C'est une forme de prise en charge minime. Forme. On va plus parler de soutien puis d'accompagnement thérapeutique. Et à ce moment-là, on va leur donner le temps de se décanter deux jours au début, généralement, pour être capable de voir en avant. Puis après, on va calculer avec eux les jours dont ils ont besoin. Ça peut être de 0 à 1 semaine et un peu plus. Quand c'est des résolutions pour des crises qui sont plus psychosociales, des fois, ils ont besoin de beaucoup plus de temps. Parce que, par exemple, une rupture des enfants, des démarches de divorce, un déménagement, puis dans toutes sortes de situations autres également que la rupture, ça peut être un état de dépression majeure, une psychose en cours, ça peut être toutes sortes de difficultés au niveau de la santé mentale qui vont faire que la personne elle a besoin de réajuster peut-être une médication, peut-être d'en avoir une, peut-être de mettre en place un suivi spécialisé, de rétablir des rythmes de base. Donc là, elle aura besoin de plus de temps. Et dans ce cadre-là, on a une autre maison d'hébergement qui donne des services de mise en place finalement des solutions, hein, puis de réappropriation de ces moyens. On peut parler de rétablissement quand c'est des gens qui ont une problématique santé mentale. Et là, ça peut être échelonné sur des semaines jusqu'à un mois, possiblement. Et ça, c'est une maison qui fait ça spécialement depuis 91 déjà, parce qu'il y avait beaucoup à l'époque des gens qui sortaient des hôpitaux au lieu d'être hospitalisés qui venaient. Maintenant, on l'utilise également pour des transition post-hospitalière parce qu'on n'a pas beaucoup de lits puis qu'il y a beaucoup de demandes. Puis aussi pour nos gens qui sont en post-crise, comme on dit, en rétablissement de leur situation de crise. Et donc, cette maison-là, elle reçoit 9 personnes. Dans chacune des maisons, on a 9 personnes en hébergement qui vivent au quotidien avec une grande ouverture, une grande liberté. Ils peuvent travailler s'ils sont capables. Ils peuvent reprendre le travail s'ils l'ont interrompu. Ils peuvent aller étudier. Ils peuvent sortir et... Ils sont dans un espace de liberté qu'ils gèrent par eux-mêmes avec nous. Et on peut aller jusqu'à combien de temps pour les maisons d'hébergement? Pour les LICRE, c'est un court séjour qui est variable selon le besoin. Ça peut être d'une semaine environ. La moyenne, c'est 4-5 jours. C'est ça. En hébergement temporaire, la moyenne Huguette, c'est quoi présentement? C'est dans 27-28 jours. À peu près, okay, parce que maintenant, c'est Huguette qui supervise cette résidence-là. Oui. Et on a aussi des lits qui sont réservés pour des gens qui ont des traitements psychiatriques de jour. Dans les deux hôpitaux psychiatrique de jour à Limoilou, comme en Haute-Ville, au Dozouche, à Chanoine-Morel. Ces gens-là sont en traitement de jour au lieu d'être hospitalisés. Et quand ils sont trop fragiles, le soir, la nuit, la fin de semaine, ils viennent résider chez nous, puis on les soutient. Ils sont en plus petit nombre, mais ils cohabitent très facilement avec tous les autres parce que nous, on ne fait pas de stigmatisation. Là, vous parlez de stigmatisation tout à l'heure. Monsieur, madame, tout le monde peut vivre un épisode dépressif, peut avoir à tout... avoir un problème au niveau de la santé mentale. Il n'est pas malade à vie parce qu'il y a un problème de santé mentale. Mais il y a une période où il est plus fragilisé, il a besoin d'aide pour sortir ses symptômes, puis avoir du soutien, puis il va être avec nous, puis avec les gens qui vivent une rupture ou un deuil ou une agression, puis ça va bien aller. Les gens qui ont un problème de consommation, par exemple, qui veulent arrêter, qui veulent aller en thérapie, ne sont pas capables de le faire seuls chez eux, mais à ce moment-là, on va les accueillir en hébergement pour les aider à mettre en place la thérapie. Un arrêt d'agir. Un arrêt d'agir, vraiment un soutien à la non-consommation, malgré que le fait que le lieu est ouvert, ben, c'est le soutien qui va faire la différence, c'est leur engagement. Et contrairement à un centre de désintoxication, où est-ce que c'est fermé? Ben, eux, ils vont choisir. Est-ce que c'est de ça dont ils ont besoin ou pas? Est-ce qu'ils peuvent le faire en externe, leur thérapie, ou est-ce qu'ils doivent aller en interne? Ils vont l'évaluer avec nous, puis on va les soutenir dans leur démarche pour régler ça, finalement. Oui. Pour faire, donc, ça fait à peu près, là, tu sais, ça fait qu'on a trois lieux d'hébergement qui sont complets tout le temps, qu'il y a toujours une petite liste d'attente qu'on n'avait pas il y a 2 ans, mais que maintenant, on en a jusqu'à 6. Mais ça veut dire que, quelque part... d'autres maisons. Oui, ça veut dire que vous pourriez avoir d'autres maisons. Depuis on lance le message. Depuis d'autres équipes mobiles D'autres équipes mobiles aussi, parce que des fois, il y a deux demandes en même temps. Bon, il faut prioriser l'urgence. Mais ça veut dire qu'il y a une demande. Est-ce qu'on parlait tantôt de stigmatisation? Ça veut dire qu'il y a une demande que les gens, ça se dit plus... Mais pas que ça se dit plus complètement, mais c'est que les gens sont peut-être plus sensibilisés la santé mentale, la santé psychologique, les états de crise, c'est plus... on est plus sensibilisés. Puis, j'aimerais ça qu'on revienne en terminant pour... il nous reste quelques minutes, puis je vais donner en même temps aussi tous les contacts. Il y a quand même des mythes, des préjugés. Puis, je veux absolument parler pour ceux qui disent... qui font rien pour s'aider. Que ça, c'est un des mythes, un des préjugés plutôt, que j'entends régulièrement quand on parle d'une personne qui est en crise, et j'en ai parlé en ouverture. La personne, si elle se retrouve sur le bord du précipice pour sauter, elle fait rien pour s'aider. Là. C'est à elle de s'aider avant ça. Qu'est-ce que... Ça reste là, le stigmate de... Elle a couru après quasiment. Ça peut freiner les gens à téléphoner. Mais c'est rare qu'on a vu, nous, des gens, si je peux normaliser. Mais tant mieux! J'aimerais qui n'ont pas essayé des choses avant. Là. Et puis souvent, quand les gens analysent leur crise, ils voient, ils peuvent reprendre des choses qui étaient saines. OK? Fait que les gens ont essayé, bien sûr. Oui. Les gens nous arrivent avec leur histoire. Leur façon de prendre soin d'eux. Ils ont une historique qui est saine aussi. Puis il y a des gens... À cause qu'il y a un événement difficile que... Fait que là, c'est de revoir qu'est-ce qui pourrait être sain. Puis j'ai envie de dire aussi, que des fois, là, le parcours de vie des gens, là, ça nous amène à beaucoup d'humilité. Parce que nous, là, dans notre vie, on en a des petites difficultés comme tout le monde, mais quand on rencontre parfois des gens qui n'ont eu que ça toute leur vie, on peut comprendre qu'ils soient à bout de leur parcours, puis qu'ils n'arrivent plus là, sans avoir l'aide de quelqu'un. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas demandé. Souvent, c'est parce que malheureusement, ça n'a pas été présent au moment où c'était nécessaire. Puis il faut savoir qu'on reçoit environ 18 000 appels par année, à peu près. Donc, il y en a des demandes. Il y en a des gens qui font le pas. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on fait tout notre possible pour répondre. Puis qu'il y a d'autres gens qui le font aussi ailleurs. Mais il y a des gens qui... je ne sais pas pourquoi, ils ont des parcours de vie plus difficiles et qui sont hyper courageux, puis qu'à un moment donné, ben, ils n'en peuvent plus, tout simplement. Oui, oui, c'est souvent ça. Puis il y a aussi des journées que ça peut arriver qu'il y a des up et des down. Oui, et ce n'est pas nécessairement un signe de bipolarité. Il y a des journées qui sont meilleures que d'autres. Mm. Et après ça, on peut retomber et on peut remonter et on peut retomber. Christiane disait, mais on a la chance, nous, de côtoyer, d'entendre du monde. Puis on voit la résilience. Oui. Puis ça, c'est vraiment, pour nous, en tout cas, c'est très ressourçant. Et les gens sont toujours très satisfaits aussi, parce qu'on n'a pas parlé, on fait des sondages à notre clientèle, hein, puis c'est très rafraîchissant. C'est très rafraîchissant, parce que les gens sont toujours, je suis tellement content, ça a changé ma vie. Des fois, il y en a qui disent même, vous m'avez sauvé. Bon, on pense que c'est eux qui ont fait ce qu'il faut, hein, c'est sûr. Vous les avez accompagnés. Oui, en tout cas. Ils sont très reconnaissants. Souvent, ils disent, ah ben moi, si j'avais connu ça avant, je serais venue plus tôt. Ou je serais pas allée à l'hôpital ou des choses comme ça. Puis dans ce qui est nommé, c'est aussi je suis content ou je suis contente d'avoir connu le sens, j'ai repris le pouvoir sur ma vie. J'ai lu aussi les commentaires qui sont laissés sur votre site. Il y en a dans les témoignages. Ouais. Puis oui, c'est ce qui revient, c'est le non-jugement, c'est l'aide, l'accompagnement. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que vous faites pas tout pour eux. Vous faites pas tout ce qui sont au centre. Ils sont autonomes. Ouais, ils sont libres de faire les choses. Mm. Et vraiment, vous avez une écoute, j'en doute même pas, qui doit être assez exceptionnelle, là, qu'on devrait prendre tout en exemple pour le côté sans jugement et écoute. Là, je vais mettre les informations sur le site. Si on veut contacter, s'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement, qui écoute les différents, qui vous entend parler depuis 9 heures concernant les crises et qui se pose des questions, peut-être qu'aujourd'hui c'est une bonne journée, peut-être que ça n'en est pas une, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut vous appeler à quel numéro? 418 oui 688 4240 418-688-4240 et j'ai le numéro aussi 1866 pour les gens, parce qu'on est quand même sur Internet. Oui, parce qu'il y a des centres de crise à travers le Québec aussi. Il y en a au travers. Sinon, pour vous desservez aussi Portneuf et Charlevoix, ça se peut, avec le numéro 1866-411-4240. Mais je vais mettre tous les liens, y compris le site qui est lecentredecrise.com. Que si vous voulez vous renseigner avant d'appeler, ben il y a aussi toutes les infos. Je vais mettre ça sur la page Facebook des différents, parce que je pense que des crises, il va toujours en avoir. C'est une question de santé, c'est une question d'équilibre. Ben oui, ça fait partie de la vie. Et n'ayez pas peur. C'est ce que je comprends de votre message. Il n'y a pas de stigmate chez vous, en tout cas. Comme société, comme individu aussi, il faut accepter, il faut accueillir notre détresse et nos moments difficiles. C'est comme ça qu'on en sort. C'est comme ça qu'on en sort. Exactement. Puis on vous remercie beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de présenter nos services. Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Merci beaucoup, mesdames. Huguette Savard et Christiane Allard, les deux coordonnatrices cliniques du Centre de crise de Québec, merci d'être venues parler de ce que vous faites et d'avoir peut-être défait des tabous, des préjugés. Je suis pas mal sûre que vous avez aidé aux gens qui écoutaient, j'en parle à voix même. Il est temps que l'émission finisse. Merci à vous. Merci à vous.